en crever. Si je pouvais, je la mangerais. Elle est là en train de danser. Moi, je rêve de l'embrasser et l'enlacer dans sa danse. Si je pouvais, je lui dirais qu'elle est belle en mourir, qu'elle est belle à faire souffrir, à faire pleurer jusqu'aux sanglots. Si je pouvais, je l'emmènerais danser au bout du monde, main dans la main, sur des routes que le soleil inonde. Mais si je pouvais, je l'emmènerais, ouais, là-bas où les nuages d'un air rêveur nous saluent sur leur passage. La la na na na. Na na na na na. Na na na. Na na na na na na na na. Si je pouvais, je me coucherais avec elle sous les étoiles, en buvant du bon vin, comme des moments rigoleraient bien. Mais si je pouvais, je me coucherais, yeah, yeah, bercé par son parfum, au rythme de son cœur qui bat en un doux refrain. Que je l'ai toujours aimé, que c'est la seule étoile que je vois briller. Mais si je pouvais, je lui dirais que je l'aime en crever. Que je l'ai toujours aimé, que c'est la seule étoile que je vois briller.